Passion classique avec Mathieu Giroux. Voici la toccata et fugue en ré mineur de Johann Sebastian Bach. Une toccata est un moment musical où le compositeur montre sa technicité et une partie de ses créations. On déguste avec la toccata pour s'épanouir avec la fugue de Bach. Une fugue, c'est comme une flamme ravivée constamment. Johann Sebastian Bach a voulu révolutionner la musique baroque. Il a créé la musique classique, alors, avec une inspiration protestante, pédagogique et chrétienne. La fugue d'Antonio Vivaldi, Le Printemps, est en pleine époque de la découverte des émotions humaines lors de la Révolution baroque. Avant, l'humain croyait qu'il n'avait pas d'émotions. Vous pouvez interpréter de plein de manières différentes cette fugue très souple d'une grande chaleur. Préférez les musiques baroques ou classiques jouées par les instruments baroques. Si je devais vous présenter une seule symphonie, ce serait la 9e symphonie de Beethoven, l'hymne à la joie. L'ode à la joie de Friedrich Schiller a servi de base à cette symphonie. Le chef d'orchestre Wilhelm Furtwängler interprète avec brio cette symphonie sur la joie, les joies. Voici le 4e temps de la symphonie. Les musiques sont sur devenircreatif.com et sur archive.org. Thank you.

Yeah. C'était Passion Classique avec Mathieu Giroux.